Chapitre 7e. Les féeries. Donc, dit Suzanne, la pantoufle est à mon pied. Elle se promena par le verger, tout émue et toute pensive. Voyons, dit-elle, je veux un ruban pour nouer mes cheveux. C'est toujours par le ruban que commencent les jeunes filles. Elle n'avait pas achevé de parler, qu'il lui tomba sur le bras un ruban rouge qui descendait jusqu'au bas de la montagne. Quand le ruban eut encadré ses touffes de cheveux bruns à reflets d'or, elle se dit tristement « Je suis plus jolie encore avec les roses de mon jardin ou les coquelicots de ma montagne. » Elle se vit tout à coup dans une auréole de coquelicots, de roses et de lys, avec une belle robe de princesse. Et elle se dit « J'aurais mieux fait de demander une chose plus sérieuse, par exemple une vache pour mon étable, car je n'ai qu'une chèvre. » Suzanne avait bien raison. Mais voilà que tout à coup elle vit une belle vache rousse, aux flancs tachetés, qui donnait un coup de dent au pampre vert qui couvrait la haie vive du verger. Suzanne au coquelicot alla recevoir son hôtesse. C'était la meilleure bête du monde. Il fallait voir comme elle prit plaisir à ses caresses. Le croirez-vous, la vache marcha toute seule vers l'étable. C'est Rubicon qui s'amusait à tous ses enchantements. Il mit un instant son pied dans la pantoufle magique. « Ah ! Dit-il, si mon maître d'école pouvait changer en bête. » À peine eut-il parlé qu'il vit un âne se prélasser sur l'herbe comme un savant qui revient de l'académie. Mais il paraît que ce n'était pas le maître d'école de Rubicon, car il le reconnut sous les traits d'un maître fou. Aussi eut-il beau vouloir donner une leçon de sagesse, Rubicon se mit à rire de tout son cœur. « Maintenant que j'ai la vache, » dit Suzanne au coquelicot, « pourquoi n'ai-je pas un beau champ de sainfoin dans la montagne ?» Et le champ de sainfoin lui apparut tout vert et tout rose. « C'est comme un enchantement, » dit-elle, « que je vais être heureuse, surtout quand j'aurai acheté peu à peu, avec le lait de ma vache, de beaux plats d'étain et de belles faïences peintes pour garnir mon étagère, du beau linge qui sent bon la bruyère pour remplir mes armoires, quand ma basse-cour sera peuplée. Quand je trônerai au milieu de mes bêtes comme la meunière du bois de loup, quand ce maudit moulin ne me chantera plus. Dieu veuille que le vent l'emporte un jour. Qu'elle est riche et que je suis pauvre, ne serais-je pas la plus heureuse fille du monde ?» Tout en disant ces mots, elle était rentrée dans la maison. Quelle ne fut pas sa surprise de voir ses étagères pleines de faïences peintes et de plats d'étain, ses armoires garnies du plus beau linge et des robes les plus variées. Elle descendit dans la cour, attirée par un bruit inaccoutumé, le bruit d'une peuplade de bêtes à plumes tout étonnées de se trouver ensemble. Son petit frère leur jetait de l'orge à pleine main. Elle fut surtout ravie de voir à ses pieds un coq qui chantait comme un ténor à 100 000 francs par an.